Je voudrais quand même poser la question qui fâche, billet en tête. Et la question qui fâche, c'est celle de la participation dans les circonstances actuelles, aux instances universitaires et à la gestion du système. Je crois, je vois un certain nombre d'élus à notre conseil d'administration, ici. Hein, et donc, une des réflexions qui m'a été faite, hein, c'est que ils ont l'impression qu'ils ont été élus comme représentants des enseignants-chercheurs, hein, et que maintenant, on leur demande de devenir des administrateurs, comme cela se fait dans d'autres institutions, par exemple privées. Et alors on leur propose des stages de formation. Bon, on s'instruit à tout âge, hein, même quand. Mais on s'instruit pour apprendre quoi, hein, au juste? La gestion, les problèmes redoutables que les compétences élargies vont nous proposer. À quoi bon, hein, diront-ils? Et cela se pose donc au niveau des institutions nationales. Alors je crois fermement, mais vous allez peut-être me contredire, hein, que au CNRS, les personnels ont obtenu des choses microscopiques. Hein, mais ils ont obtenu des choses dans les conseils scientifiques, le conseil du fameux institut, hein, qui nous a été imposé, etc., etc. Donc, ils ont obtenu. Il y a quelque chose qui est positif. Dans les universités, dans le cadre de la LRU, la situation me paraît beaucoup plus tragique. Et cela pose le problème quel qu'il soit, d'ailleurs, quelle que soit leur étiquette, des présidents d'université qui sont fondamentalement contre ces réformes et la LRU qu'on leur demande d'appliquer à toute force. Et c'est vrai, je crois qu'il a dû se passer quelque chose comme ça, hein, pas loin d'ici, que le ministre a secoué son doigt et a dit à un président, hein, vous devez faire ça, sinon vous allez voir, on va vous soigner. Ce qui est quand même un propos qu'on ne peut pas considérer avec indifférence, surtout quand on est président, hein, d'une institution. C'est aussi une question de responsabilité.